l'alcool, les opioïdes sont les plus vieilles drogues inventées par l'homme depuis la synthèse des premières drogues à usage médical à base d'opium, dont la morphine et l'héroïne, la connaissance des systèmes de nociception et des neurotransmetteurs a permis de créer toute une palette de molécules pour réduire la douleur à différents degrés. Mais depuis quelques années, la situation a dérivé, notamment aux États-Unis, où le nombre de morts par overdose d'opioïdes a dépassé celui des morts par arme à feu et accidents de voiture cumulés. Comment sortir de cette crise et comment la recherche peut-elle aider à trouver de nouvelles molécules moins dangereuses ? Opioïdes, accros et accrans, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et prendre la mesure de ce que d'aucuns décrivent d'ores et déjà comme une crise sanitaire majeure aux États-Unis, en tout cas pour le moment, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de la douleur de l'hôpital Cochin, président de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur, auteur également de La douleur, je m'en sors, c'était aux éditions In Press. Bonjour Nicolas Autier. Bonjour. Vous êtes chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Clermont-Ferrand, également directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur nos ondes de France Culture ainsi qu'en complément sur le fil Twitter de l'émission en vous abonnant au compte @laméthodefc. Le fentanyl est l'un des antidouleurs aujourd'hui dans le collimateur des autorités sanitaires américaines. Ce médicament, dérivé de l'opium, est généralement utilisé pour soulager des malades du cancer ou de fortes douleurs post-opératoires, mais depuis plusieurs mois, son usage est largement détourné. Il y a cette idée fausse chez les utilisateurs que l'héroïne mélangée au fentanyl est plus fort, mais en réalité, ça provoque beaucoup trop de décès. Les victimes ne sont pas toujours des toxicomanes. Beaucoup ont commencé par une ordonnance pour soulager leur douleur. C'est le cas de Chelsea, 25 ans, aujourd'hui enceinte. J'ai commencé par des pilules antidouleurs. Et à 19 ans, j'étais complètement accro à l'héroïne. Cette alerte au fentanyl est le dernier épisode d'une épidémie d'addiction aux opiacés qui a déjà tué plus de 28 000 personnes aux États-Unis, rien qu'en 2014. Nous avons plus de morts par overdose dans l'Ohio que par accident de la route. Face à cette situation préoccupante, les autorités envisagent entre autres de faciliter l'accès à un médicament qui permettrait de sauver des vies en cas d'overdose. Voilà un reportage de la chaîne CNews en 2016. On entend depuis un certain nombre de mois une forme de vent de panique qui souffle un peu dans l'opinion publique, dans les médias. Le président américain Donald Trump a déclaré en fin d'année dernière qu'il s'agissait d'une urgence de santé publique. Serge Perrault, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années, on va dire 5, 10 ans, quelque chose comme ça? Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler, si vous me passez ce mauvais jeu de mots, une ruée vers l'héros? Alors, je crois qu'il faut bien différencier deux mondes très différents. Le monde anglo-saxon, où on a une culture, je dirais, de la douleur qui est différente, et le monde latin, où la douleur est incorporée dans la vie de tous les jours de façon différente, et où depuis très longtemps, dans le monde latin, on a très peur de la morphine. Donc, si vous regardez l'Espagne, l'Italie, la France, les gens ont plutôt peur de ces drogues plutôt qu'une appétence telle qu'on peut l'avoir aux États-Unis. Et puis, il faut différencier aussi deux contextes très différents qui sont d'une part le contexte de la douleur. Je prends des médicaments parce que j'ai mal. Et puis, le contexte du mésusage, de l'usage récréatif. L'héroïne, c'est pas pour la douleur. Le fentanyl, le plus souvent, c'est pas pour la douleur, c'est pour se faire un shoot. Donc, il y a ici une confusion et des mondes très différents. Et je pense que pour le public français, il est très important de faire la distinction. Mais ces molécules qu'on entend, l'alphantanide, il y en a plusieurs autres, on les évoquera tout à l'heure dans le détail si vous le voulez bien, Nicolas Autier, elles existent depuis longtemps. Quelle est la bascule en fait qui s'est faite ces dernières années pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce qui a été décrit, ce qu'on a entendu dans le reportage par exemple? La bascule, elle s'est faite sur une vingtaine d'années avec l'arrivée sur le marché de nouveaux antalgiques opioïdes, donc des médicaments qui ont une puissance pharmacologique qui se rapprochent de celle de l'héroïne elle-même et qui ont été, dans certains pays, à commencer par les États-Unis, beaucoup trop largement prescrits. Et au point de prescrire cela pour des pathologies traumatiques bénignes jusqu'à l'entorse de cheville. Et donc certaines personnes sont devenues dépendantes à ces molécules-là. Et lorsque vous êtes devenu dépendant, lorsque vous avez une addiction C'est un processus qui est parfois irréversible. Et donc, vous devenez, que l'on change la réglementation ou pas sur ces molécules-là, vous persistez dans cette difficulté à ne pas pouvoir résister à consommer certaines substances. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, le fentanyl qui est consommé, ce n'est pas du fentanyl pour la douleur, c'est du fentanyl drogue qui vient du marché noir et qui est consommé par, on le dit maintenant, non plus les junkies, mais les cols blancs, et qui n'ont plus le choix. Et qui parfois, lorsqu'on leur supprime leur antalgique, sont obligés de soit aller acheter du fentanyl dans la rue, soit de découvrir l'héroïne qu'ils n'avaient jamais consommée auparavant. Et on pointe souvent du doigt des campagnes de communication très agressives de la part de grands groupes pharmaceutiques, pour Dieu, pour ne citer que avec l'oxytocine dans les années 90. Néanmoins, Serge Perrault, vous dites que les entreprises pharmaceutiques prennent la place du vide, mais que quand les médecins sont bien formés, finalement, il n'y a pas de vide à combler, donc on n'arrive pas à cette situation-là. Ça veut dire que c'est aussi la résultante d'une crise de la formation, de l'information médicale dans les pays anglo-saxons ? Dans tous les pays du monde, je dirais, mais on a vu donc des États aux États-Unis porter plainte contre des firmes pharmaceutiques parce qu'elles avaient donné de fausses informations aux médecins. La ville de New York vient de le faire. Voilà. Je dirais que si les médecins avaient une bonne formation, tout ce que peut dire l'industrie n'aurait pas cet impact. Quand il n'y a pas de formation sur la douleur, quand on considère que la douleur, ce n'est pas une maladie, c'est juste un symptôme, c'est quelque chose de secondaire pour lequel il n'y a pas besoin de développer des formations, de développer de la recherche. La douleur, c'est quand même un parent pauvre de la médecine. Or, ça concerne quasiment toutes les spécialités. On en arrive là. Voilà. Et je dirais qu'en France, depuis quelques années, il y a un enseignement de la douleur. Il reste encore limité. Mais il y a quand même des cursus qui sont maintenant intégrés au deuxième cycle, maintenant au troisième cycle. Et il y a des avancées, il y a des recommandations, on est dans quelque chose de beaucoup plus cadré. Vous diriez aussi, Nicolas Autier, que la formation aujourd'hui des médecins généralistes, des médecins spécialistes, est un rempart contre ces campagnes de communication très agressives qui ont lieu dans les pays anglo-saxons, mais pas que, on en parle aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne. C'est le premier rempart, bien entendu. C'est-à-dire s'il n'existe pas celui-là, on ne pourra pas totalement sécuriser la prescription, et donc les médicaments seront prescrits et deviendront disponibles dans les armoires à pharmacie familiale. Et le deuxième rempart, je pense qu'il n'est pas encore assez développé, c'est de former, d'informer et de former les usagers du système de santé, les patients eux-mêmes, et notamment pour sécuriser l'automédication. C'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette heure, évidemment. Peut-être un mot tout de même, parce qu'on dit beaucoup, et vous le dites l'un et l'autre, que la France est relativement protégée. Néanmoins, on constate que les chiffres sont en augmentation. Alors évidemment, pas au même rythme et à la même ampleur qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais tout de même, on constate aujourd'hui de plus en plus de détournements d'usage de médicaments. On parle de certains sirops, on parle de certains médicaments à base de codéine pour des usages récréatifs. Que faut-il en penser, Serge Perrault ? Alors sur le détournement, je pense que Nicolas Autier en parlera plus facilement que moi puisqu'il dirige l'Observatoire des médicaments antalgiques. Je voudrais dire quand même qu'en France, on est quand même dans une carence, malgré tout, d'accès à ces médicaments. Là, on parle des excès, mais il y a encore des carences importantes. Vous allez dans les centres anticancéreux, il y a encore entre 30 et 40% de personnes qui justifieraient de traitement par opioïdes et qui n'en ont pas. Donc la juste mesure sera bien sûr d'aller donner les médicaments aux patients qui le justifient. Qui n'en ont pas, pour quelle raison ? Par crainte d'usage, d'abus, Parce que je vais dire ici que les morphiniques, c'est probablement les médicaments les plus difficiles à prescrire. Parce que vous n'avez pas de dose plafond, vous avez des formes à libération immédiate, des formes à libération prolongée, vous avez des interdoses, il y a ce qu'on appelle une titration, et c'est probablement ce qui prend le plus de temps, et c'est probablement aussi ce qui fait qu'il y a une épidémie. Donc un médicament difficile à prescrire, avec beaucoup de préjugés autour, et quand les patients le demandent, les médecins n'ont pas le temps forcément de prendre ce temps d'explication, notamment dans les centres anticancéreux où les gens sont débordés, et je pense que c'est une des raisons. Nicolas Autier, votre point de vue sur cette question. Je suis d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Serge Perrault. Il faut faire attention à ne pas trop stigmatiser non plus du fait de cette crise qui n'a pas lieu en France, mais ne pas trop stigmatiser ces molécules pour ne pas décourager encore plus de prescripteurs en France à les prescrire, à bien les prescrire. En revanche, évidemment, comme toute substance, qu'elle soit médicamenteuse ou autre, si elles ont un effet psychoactif, potentiellement, elles peuvent être mésusés, détournés de leur usage. Et le cas de la codéine est un cas assez récent en France, qui est apparu dans les 3-4 dernières années, qui vient des États-Unis grâce aux réseaux sociaux, si je puis dire, ou à cause des réseaux sociaux, qui s'est développé dans les années 2000 aux États-Unis, avec des adolescents qui ont trouvé une nouvelle alternative au cannabis, en fait. Hein. Justement, on va en parler à l'instant avec le reportage du jour, puisque cette prise de médicaments à base de codéine s'est littéralement envolée, notamment chez les 15-25 ans, entre 2013 et 2017. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a publié cette étude. Oui, cette étude elle a été publiée en juillet dernier par le pôle trend de l'OFDT et elle révèle une augmentation de l'usage à des fins détournées de médicaments codéinés chez les jeunes. Il faut savoir que cette note a été suivie de l'interdiction de la vente des médicaments codéinés sans ordonnance. Agnès Cadet-Ayrou, elle est la responsable du pôle responsable de l'étude, qui est un pôle qui suit entre autres les tendances nouvelles dans les consommations de drogue en France. Elle nous raconte comment l'OFDT a pris la mesure de l'augmentation de la consommation de ces médicaments codéinés, mais aussi les risques liés à une surconsommation de ces médicaments opioïdes. La codéine, c'est un médicament qui a deux fonctions principales. Elle est utilisée comme antitussif. Elle fait partie de la famille des opioïdes, hein, des opiacés comme par exemple la morphine, mais elle a un effet qui est moins puissant. Donc elle fait partie des analgésiques qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire qu'en premier, on a aspirine, ibuprofène, paracétamol. En deuxième, on a la codéine et puis des médicaments opioïdes comme le tramadol. Et puis après, on a des opioïdes forts comme la morphine, le fentanyl ou l'oxycodone. Quelles sont les grandes tendances et quels sont les grands points qui ont été relevés par cette note sur l'usage détourné de médicaments codéinés chez les jeunes ? On a vu apparaître en fait aux alentours de 2013 des usages récréatifs en fait qui ne semblaient pas exister auparavant en France dans des groupes de jeunes qui n'étaient pas du tout habitués à consommer des substances illicites à part le cannabis. Apparemment, donc il reproduisait en fait des recettes qui venaient des États-Unis, qui existaient déjà dans les années 90, qui permettaient de faire des mélanges un petit peu planants, donc avec de la codéine, un antihistaminique, donc le nom vous dira pas forcément grand-chose, mais de la prométhazine habituellement, et puis théoriquement du Sprite, mais ça pouvait être un autre soda pour mélanger les choses. Et voilà, ce qui donne des effets à la fois calmants, mais un petit peu planant, comme je le disais. Ouais. Comment vous en êtes venu à vous rendre compte de ces usages-là ? Alors, pour ce qui est de l'OFDT, on a justement un dispositif de veille sur tous les phénomènes qui concernent les consommations de psychotropes. Alors, on est plus tourné davantage vers les drogues illicites dans ce dispositif de veille. Mais on ne regarde pas uniquement les drogues illicites. Alors, c'est un dispositif en réseau. On a actuellement 8 coordinations. Le réseau s'appelle Trend, qui chacun met en œuvre des outils pour assurer justement cette veille. La majorité de ces outils sont des outils qualitatifs, des questionnaires aux professionnels du champ, qu'il s'agisse du côté application de la loi ou du côté socio-sanitaire, donc médecins, pharmaciens, des personnels spécialisés pour traiter les addictions, et puis le champ qu'on appelle application de la loi, donc police, douane, etc. Donc ce dispositif de remontée d'informations en fait de terrain qui est à la base plus particulièrement focalisé en fait sur les usagers de drogue, les polyusagers, en fait à repérer ces consommations de jeunes. Alors à la fois parce que il y a des observations ethnographiques, des gens qui sortent et qui rapportent des informations, donc et puis parce que des médecins signalaient, des responsables de prévention en médecine scolaire en fait qui parlaient des interventions des jeunes en fait sur ces, et des questions, de beaucoup de questions des jeunes sur ces sujets, et puis des consultations jeunes consommateurs aussi, en fait, qui en ont fait état. C'est principalement quand même les observations directes, en fait, qui ont permis de faire remonter cet élément. Quels sont les risques pris quand on fait un usage détourné, voilà, de médicaments à base de codéine ? La codéine, ça peut donner une sorte d'ivresse, un petit peu comme l'alcool, et aussi, selon la dose, en fait, ça peut entraîner des dépressions respiratoires, voire des comas. Il y a eu 2 décès en 2017. Surtout, les risques sont majorés par les mélanges qui peuvent être faits, notamment avec l'alcool. Selon les produits Par exemple, quelquefois, la codéine est remplacée par un autre produit qui s'appelle dextrométhorphane, qui peut donner ce qu'on appelle des syndromes dissociatifs, c'est-à-dire en fait des sortes d'hallucinations qui peuvent avoir leur danger propre. Après, si les consommations se répètent, des problèmes plus chroniques, qui sont plus rares, mais c'est la dépendance, la tolérance, l'augmentation des doses. Sur quelle période de temps vous avez pu constater une évolution et un accroissement de ces usages-là ? Alors, les premiers signaux que nous avons eus, en fait, c'était en 2013, de 2013 à 2017, après la NSM, qui avait l'Agence du médicament, qui a aussi communiqué là-dessus, en fait, a pris des mesures pour que tous les produits concernés soient uniquement accessibles sur ordonnance. Et donc, probablement, le phénomène est en train d'évoluer. Alors, on n'a pas encore consolidé la situation actuelle. Les premiers éléments qui remontent du terrain, c'est que, dans un premier temps en tout cas, les demandes aux pharmacies notamment se seraient calmées. Alors, il y a un des sites qui nous dit que ça commence à reprendre, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas eu notamment de produits de remplacement pour ces jeunes. Ce qui fait que nous restons en alerte, en fait, c'est nous avons une observation en fait sur les forums d'usagers qui, en revanche, a vu une augmentation de l'intérêt très très important et notamment toujours de l'intérêt autour des recettes. Ce qui fait que bon, l'intérêt n'a pas diminué et il est important de continuer à suivre le phénomène. Un autre phénomène qui concerne une autre population, c'est des personnes qui sont non consommateurs de drogue, qui n'ont jamais consommé d'héroïne, mais qui deviennent dépendants à ces médicaments opioïdes, en fait, à la suite de traitements, quelquefois aux doses thérapeutiques recommandées, des traitements à la suite d'opérations chirurgicales ou pour des douleurs persistantes. Vers 2015, en fait, on a vu augmenter le nombre de demandes en fait, de prise en charge de ces gens-là dans les centres spécialisés pour usagers de drogue, ce qui était tout à fait nouveau. Il y a une explication aussi, c'est que dans les 10 dernières années, peut-être même 15 dernières années, il y a eu une augmentation de la prise en compte de la douleur. Et donc, il semble, notamment selon l'ANSM, que ces cas en fait, ne soient pas disproportionnés si l'on considère en fait l'augmentation de prescription qui a eu lieu liée à la prise en charge de la douleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un phénomène de dérapage important. Il reste, à mon sens, relativement bien contrôlé en France, notamment si on compare, bien sûr, avec les États-Unis ou au Canada. Voilà le reportage du jour à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Serge Perrault, Nicolas Autier. Serge Perrault, c'est ce que vient de dire l'intervenante, c'est intéressant que ce soit lié, qu'il n'y ait pas de dérapage, mais que ce soit aussi lié statistiquement à une meilleure prise en charge de la douleur. Oui, ben je crois que c'est un discours tout à fait sensé, hein, c'est-à-dire que les patients ont été sensibilisés au fait qu'ils pouvaient réclamer depuis les années 2004, hein, depuis notamment l'intervention de Bernard Kouchner qui a été quelqu'un de tout à fait promoteur pour la prise en charge de la douleur, en disant qu'on avait droit à être soulagé. Bien sûr, on n'avait pas une obligation de résultat, mais les patients avaient le droit de dire qu'ils avaient mal, et ça c'était très nouveau dans les années 2000-2004. Et donc, à la suite de ça, des formations pour les médecins, des médecins qui se sont mis à prescrire d'une façon plus large, et donc effectivement une augmentation des prescriptions, et dans une mesure tout à fait marginale, des dérives, des mésusages, tels que c'était signalé dans le reportage. En France. Nicolas Autier. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments pour discuter ce que vient d'être dit. Tout d'abord, effectivement, il y a cette veille permanente des autorités sanitaires sur les médicaments et de l'Agence du médicament qui a révélé cette problématique de la codéine et qui a abouti à cette demande de suppression de la prescription médicale facultative. Il y a les interactions plus fortes depuis 2-3 ans entre le monde de la douleur et le monde de l'addictologie. Mmh. Et donc une plus grande sensibilisation. Et puis enfin, il n'y a pas forcément plus de patients traités par antalgiques opioïdes en France. En fait, il y en a un peu moins depuis quelques années et depuis l'arrêt d'un médicament qui s'appelait le dextropropoxyphène ou diantalvic. Donc ça n'a pas augmenté les prescriptions en France. Qui était un anti-inflammatoire. Antalgique opioïde. Donc il n'y en a pas plus en France. Mais il y a des pratiques qui ont évolué et il y a surtout des prescriptions qui parfois ont été un petit peu en dehors des recommandations, et y compris à des patients qui étaient plus à risque que d'autres. Et on a été moins vigilants. Donc là aussi, on en est aux prémices, hein, d'un risque. Et on a la chance d'être à ses prémices et donc de pouvoir faire de la prévention secondaire, on va dire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc des opiacés, des opioïdes, tout au long de cette heure, en compagnie de Serge Perrault et de Nicolas Autier, peut-être pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, ou à certaines formes d'excès qu'on constate dans certains pays, et peut-être effectivement moins en France, comme on vient de l'entendre. Il est intéressant de se replonger dans l'histoire de ces molécules qui sont, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, les plus vieux produits psychoactifs inventés par l'être humain juste après l'alcool. On disait tout à l'heure, et je viens moi-même de faire la confusion, on entend beaucoup de termes différents, hein, opiacés, opioïdes, antidouleurs, antalgiques, anti-inflammatoires, tout ça n'est pas la même chose. Peut-être qu'on peut refaire un peu de terminologie, Serge Perrault, pour bien préciser de quoi il s'agit. Alors d'abord, il faut savoir que les opioïdes, c'est donc tout ce qui est dérivé de la morphine et qui comprend d'une part les opiacés, qui sont des substances naturelles, comme la codéine, la morphine, les extraits de pavot, etc. Et puis les substances de synthèse, le fentanyl, l'héroïne, qui sont donc synthétiques. Voilà, tout ça, ça représente les opioïdes. Vous disiez, c'est les plus anciennes substances psychoactives, mais c'est surtout les plus anciennes substances antalgiques. C'est-à-dire que nous, médecins du 21e siècle, on utilise surtout des médicaments vieux comme le monde, hein, des morphiniques, des anti-inflammatoires qui ont quand même une centaine d'années, le paracétamol aussi. Nous, médecins de la douleur, on n'est pas très moderne. On n'est pas très moderne, hein, par rapport à d'autres spécialités médicales. Pourquoi ? Parce que la douleur, c'est probablement un des phénomènes physiologiques et pathologiques les plus complexes. Et qu'à l'heure actuelle, dans le monde médical de la recherche, il y a deux domaines qui sont au point mort. Hein, c'est l'Alzheimer, avec beaucoup d'échecs, alors que chez l'animal, ça semble intéressant. Chez l'homme, ça marche pas. Et la douleur, de la même façon, hein, chez l'animal, on a des substances qui semblent marcher. Et chez l'homme, souvent, il y a des effets indésirables où c'est beaucoup moins efficace qu'on ne le pense. Parce que la douleur, ça passe par le cerveau, c'est extrêmement complexe. C'est en même temps une expérience et aussi une pathologie. Et traiter une expérience, c'est sûrement très compliqué. Nicolas Autier, peut-être on peut revenir aussi sur la découverte, ou en tout cas les applications médicales contemporaines, justement, des dérivés d'opiacés. La morphine, c'est assez récent, c'est le début du 19e siècle. Oui, à la fois c'est assez récent, c'est ce qu'on disait, et c'est peu novateur. La morphine hospitalière. Hospitalière, oui. C'est peu novateur, parce que, notamment dans la douleur par excès de nociception, la plus fréquente, on n'a pas trouvé de molécule guère plus efficace. Enfin, le fentanyl est plus puissant, mais en fait, en pratique, c'est le même mécanisme d'action. Il en faut juste moins pour avoir le même effet. Donc, il n'y a pas eu d'innovation dans ce domaine-là depuis plus de 100 ans. Donc c'est quand même, ça reste ancien. Je pense que pour le monde de la médecine, on peut considérer que c'est ancien. Le premier emploi médico-clinique de la morphine, 1804, Friedrich Sertürner, c'est ça ? Si je ne m'abuse, oui. Serge Perrault. Alors c'est des découvertes européennes, hein, donc il y a des découvertes anglaises, françaises ou allemandes, et c'est souvent les Allemands qui vont commercialiser, qui vont industrialiser les substances comme les anti-inflammatoires ou la morphine. À quel moment commence à se faire le distinguo entre la nocivité, le potentiel addictogène et de dépendance de certaines de ces molécules par rapport à l'emploi qu'on peut faire en milieu hospitalier? Je pense évidemment à l'héroïne, Nicolas Autier. Mais à cette époque-là, de nombreux pays commercialisaient aussi l'héroïne comme un médicament. Commercialisé par Bayer aussi, par Bayer, fin du 19e, 1874. Voilà, et pour traiter notamment les douleurs. Et ça a été largement utilisé. Il y a certains pays qui continuent de le prescrire. En Angleterre, par exemple, on donne de l'héroïne par voie intranasale à des enfants, aux urgences. Dans le cas de crise douloureuse drépanocytaire, le temps de pouvoir poser une voie veineuse périphérique et d'administrer ensuite de la morphine. Donc c'est un médicament qui est utilisé, mais dans des situations d'urgence, en aigu, pas en prise répétée, et qui est très efficace aussi, bien entendu. Donc ensuite, la distinction s'est faite très progressivement, c'est-à-dire qu'à force de l'expérimenter, on s'est rapidement rendu compte que certaines personnes devenaient dépendantes. Et puis il y avait en parallèle cet usage de l'opium qui a, je ne vais pas dire toujours existé, mais depuis qu'on l'a découvert, qui a toujours existé. On peut préciser d'ailleurs que souvent la morphine et l'héroïne étaient données pour lutter contre des formes d'addiction. Alors ça a été utilisé comme ça, bien sûr. La cocaïne aussi a été utilisée un des plus grands psychothérapeutes l'utilisait et en faisait en partie l'apologie, si on parle de Sigmund Freud. Et puis après il y a eu aussi la problématique de la guerre du Vietnam pour les Américains, qui a malheureusement entraîné un très grand nombre de vétérans qui sont revenus et qui étaient blessés en stress physique, mais aussi post-traumatique, psychique, et qui ont bénéficié de traitements ou d'usages sur place de substances dérivées de la morphine. Et c'est ce qui a montré aussi que, probablement, cette crise des opioïdes aux États-Unis, elle vient de beaucoup plus loin qu'une vingtaine d'années. Elle vient aussi de pratiques très anciennes. On peut voir à ce titre-là Taxi Driver, évidemment. Par exemple. Mais on peut voir aussi une excellente série de Steven Soderbergh qui s'appelle The Nick, qui raconte l'histoire d'un hôpital à New York au début du XXe siècle, et où précisément on utilise la cocaïne et l'héroïne dans des circonstances opératoires. Et avec les effets délétères que on peut voir sans rien raconter de cette série. Peut-être dire un mot qu'au cours du XXe siècle, on va passer de ces opiacés, de ces dérivés opiacés aux opioïdes, c'est-à-dire qu'on va commencer à synthétiser de nouveaux types de molécules, précisément pour lutter contre les effets négatifs, parce que là on parle de l'addiction, mais on peut aussi parler des détresses respiratoires et des lourds effets secondaires qu'ont ces molécules, Serge Perrault. Alors la plupart des dérivés synthétiques ont aussi les mêmes effets indésirables. Hein. Donc les produits synthétiques, c'était plus pour augmenter leur efficacité, leur puissance, diversifier aussi les molécules, permettre des formes à libération prolongée, à libération immédiate, des formes en patch, en spray, donc diversifier ce qu'on appelle les formes galéniques pour des utilisations dans des cas très différents. Par exemple, dans les douleurs du cancer, vous avez ce qu'on appelle l'accès douloureux paroxystique. C'est brutalement, vous avez une douleur extrêmement intense qui survient sans raison. Et là, il faut traiter cette douleur qui peut être parfois excruciante. Il faut la traiter dans les secondes. Et là, vous avez ce fentanyl qui, lui, passe très très vite, qui peut agir en 2 à 3 minutes et qui est particulièrement adapté donc à ces douleurs extrêmement vives que sont les accès douloureux paroxystiques. Donc il y a quand même des progrès pharmacologiques et galéniques qui s'adaptent à des situations cliniques. Maintenant, ce shoot qu'on a comme ça grâce au fentanyl et qui permet de traiter cet accès douloureux, il peut aussi être utilisé dans d'autres situations. Et là, le shoot, c'est un risque d'addiction majeur. Le fentanyl est développé à quelle période, Nicolas Autier? Je me souviens plus de la date exactement. Une trentaine d'années. Oui, ça a une trentaine d'années. Pas exact, mais une trentaine d'années. 90, une place assez importante parce que c'était parmi les... Ces nouveaux opioïdes qui arrivaient, cette molécule est particulièrement puissante et se consomme de l'ordre du nanogramme plutôt que du milligramme. Donc effectivement, il faut savoir la doser. Et c'est pour ça aussi que cette molécule-là et tous les dérivés du fentanyl sont à l'origine actuellement de la vague de décès qu'il y a en Amérique du Nord, y compris le Canada. Le Canada qui commence à être parce qu'il y a le fentanyl et tous les dérivés du fentanyl, carfentanyl, oxfentanyl, etc., qui eux sont encore plus puissants que le fentanyl lui-même. Et ça veut dire que la moindre erreur de dosage peut être fatale, y compris chez quelqu'un qui a l'habitude d'en consommer. Peut-être aussi peut-on dire un mot du progrès dans la deuxième moitié du XXe siècle, des connaissances précisément sur les effets biochimiques de ces molécules sur le système nerveux, puisque c'est grâce à cette connaissance de la façon dont ces molécules allaient se fixer sur certains récepteurs, sur les neurotransmetteurs, et c'est aussi la découverte qu'il y avait des opioïdes endogènes. Nous produisons, notre corps produit des opioïdes naturellement, Serge Perrault. Alors effectivement, un certain nombre de patients aiment bien le rappeler pour se déculpabiliser en disant « mais de toute façon, moi-même j'en produis ». Alors on en produit dans des situations bien particulières. On produit deux grandes catégories. Voilà, quand on fait du sport, dans l'exercice, etc. Ça, c'est les endorphines. Voilà, et donc ça c'est très utile. Et je propose souvent à mes patients de sécréter plutôt leurs propres endorphines en faisant du sport, plutôt qu'en prenant des morphines exogènes. Donc ça, effectivement, on comprend mieux le mode d'action de ces substances. On comprend mieux aussi la douleur, les mécanismes de la douleur et des mécanismes aussi qui se rapprochent. La douleur, c'est complexe. Il y a des troubles du sommeil, il y a de la dépression, il y a tout un ensemble de conséquences de la douleur, notamment chronique, et chez qui ces médicaments vont lever l'anxiété, vont améliorer le sommeil et vont aussi avoir des actions qui ne sont pas seulement des actions sur la douleur. C'est ça qui est assez complexe à comprendre et à concevoir, c'est que toutes ces mécaniques neurophysiologiques de la douleur sont aussi intimement liées à d'autres mécaniques que l'on connaît bien, qui sont les mécaniques de la récompense et qui vont amener ensuite vers des mécaniques hautes qui sont celles de la dépendance. Nicolas Autier. Oui, les deux systèmes sont très intriqués entre le système, on va dire, de perception de la douleur, d'intégration au niveau du cerveau de la douleur et le système de la récompense, qui est le système du plaisir, de la perception du plaisir que tout le monde a, mais qui, dans l'addiction, ne dysfonctionne et entraîne les mauvais choix, on va dire. Voilà. Au milieu de tout ça, il y a différents récepteurs qui sont utilisés et qui sont impliqués, et notamment les récepteurs aux opioïdes, le récepteur mu, qui est le récepteur privilégié de la morphine et des autres opioïdes. Et effectivement, une activation trop fréquente, trop prolongée chez les personnes qui ont des prédispositions aussi, puisque ce n'est pas qu'une histoire de récepteur, peut entraîner, dans certains cas, une perte de contrôle sur la consommation. Serge Perron. Ben, je pense qu'il faut revenir à l'Antiquité, non seulement pour la morphine, mais aussi pour les philosophes. Et Épicure était un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la douleur et qui recherchait le plaisir, non pas pour le plaisir, mais pour supprimer la douleur. Et il faut écouter Épicure, le plaisir n'a d'intérêt que s'il y a de la douleur. S'il n'y a plus de douleur, ben, il n'y a plus besoin de plaisir. Et je pense que pour ces consommateurs de drogue, je pense que c'est quelque chose à rappeler, cette dualité. Mais le mésusage, c'est quand on recherche le plaisir alors qu'il n'y a plus du tout de douleur. Nicolas Hautier. Oui, le soulagement d'une douleur est un plaisir en soi. Voilà. Mais on peut. C'était aussi... Épicure et puis Freud, vous évoquiez voilà. Tout à l'heure. Voilà. On a également un petit peu parlé. Mais effectivement, le soulagement de la douleur est un plaisir en soi. Et il faut apprendre aux patients à différencier ces différents plaisirs, si je puis dire. Le plaisir qui vient d'une émotion positive, qui peut être ressenti par la prise d'une substance, par un comportement, par une consommation alimentaire, etc. Et le plaisir qui est lié au soulagement. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut apprendre à dissocier les deux. La méthode scientifique, Nicolas Martin. But all roads look the same. Opium de Dead Can Dance sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons précisément des opiacés et des opioïdes et de leurs effets sur notre système nerveux, sur les systèmes de réponse et sur les systèmes de douleur. C'est ce que nous évoquions juste avant la musique. Nous en parlons avec Serge Perrault, qui est responsable du centre de la douleur de l'hôpital Cochin, président de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur, et avec Nicolas Autier, qui est chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Clermont-Ferrand et directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. Alors, on parlait un peu, c'est intéressant, parce qu'on va évidemment se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont toujours les opioïdes qui tiennent le haut du pavé dans la gestion de la douleur, en tout cas dans sa gestion par voie médicamenteuse, et pourquoi la recherche a tant de mal à trouver d'autres molécules de substitution. Nicolas Autier, vous l'évoquiez tout à l'heure, les opioïdes agissent sur trois types de récepteurs différents. Le principal, celui que vous avez cité, c'est Mu. Il y a aussi Kappa et Delta. On parle d'un autre récepteur qui s'appelle ORL1. Ça veut dire que tous ces opiacés, tous ces opioïdes ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Ça veut dire qu'on ne comprend peut-être pas encore complètement exactement comment se passent et comment se passent les échanges de neurotransmetteurs dans le cerveau une fois qu'on a ingéré ces types de molécules. Qui veut répondre à ça? Oui, Nicolas Autier. Le récepteur Mu reste celui qui est le plus impliqué probablement dans la dimension antalgique de ces opioïdes, même si les deux autres le sont aussi. Et d'ailleurs, certains médicaments opioïdes ont des valences différentes, plus kappa, plus mu, plus delta. Mais le récepteur mu est extrêmement important. Actuellement, ce qui est intéressant de connaître, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a activé ce récepteur mu. Quelle est la cascade neurochimique? Parce qu'on pourrait se dire que l'on va pouvoir aller activer un autre récepteur qui est en aval, et qui, lui, peut-être pourrait reproduire l'effet antalgique de la morphine en espérant ne pas avoir les effets indésirables qui seraient portés par un autre récepteur, etc., etc. Donc, une partie des pistes de recherche, j'en parle parce que c'est des recherches françaises. Voilà, donc il faut parler de ce qui se fait en France. Absolument. De l'équipe INSERM 1107 à Clermont-Ferrand qui travaillent là-dessus et qui ont identifié qu'en aval du récepteur mu, il y a un récepteur qui est récepteur TREC. Et ce récepteur, chez l'animal, lorsqu'on l'active, on reproduit les effets antalgiques de la morphine avec beaucoup moins d'effets indésirables. Mais pour l'instant, on en est au stade des recherches animales, donc précliniques. Et donc, il va falloir aller un peu plus loin et espérer que ces effets se reproduisent chez l'homme. Serge Perrault. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, c'est un phénomène extrêmement complexe. Vous avez d'une part la douleur aiguë, où là, il est clair, il faut bloquer le message. Et là, quand on va donner de la morphine qui va agir sur le récepteur mu, ce récepteur va, s'activant, va bloquer le message douloureux qui remonte de la périphérie vers le cerveau. Donc ça, c'est très simple. Donc, en post-opératoire, dans les douleurs aiguës, la morphine, c'est efficace. En général, ça se passe bien. Dans la douleur chronique, c'est des phénomènes extrêmement complexes, dynamiques, où on comprend pas bien comment marche la morphine, mais on comprend pas bien la douleur non plus. La douleur chronique, c'est des phénomènes dynamiques, et on sait que quand on donne de la morphine de façon chronique, continue, bah ça peut, de façon paradoxale, donner ce qu'on appelle l'hyperalgie à la morphine, l'hyperalgésie globale. C'est-à-dire qu'on est plus sensible à la douleur, parce qu'il y a une sorte de désensibilisation induite par la morphine, et donc paradoxalement, on va être plus sensible à la douleur. Donc en chronique, on a des phénomènes extrêmement complexes ce qui explique qu'on n'ait pas beaucoup de médicaments pour la douleur chronique, qu'on soit encore à en chercher, parce que quand on déplace quelque chose, d'autres phénomènes surviennent auxquels qu'on ne s'attendait pas et qui vont modifier l'efficacité même des médicaments. Ce dont témoignent aussi les usagers d'héroïne réguliers qui disent qu'au bout d'un certain moment, effectivement, ça n'a plus du tout cet effet antalgique ou euphorisant, mais qu'au contraire, ça finit par produire de la douleur musculaire, intra-osseuse, très grave. Il y a une accoutumance, il y a une douleur. Douleur de manque, de sevrage. Voilà. C'est ça. Oui, effectivement, il y a cette dimension qu'on peut préciser. Effectivement, c'est associé à des douleurs de manque et de sevrage, y compris dans des phases thérapeutiques, entre les doses. Ça, c'est l'accoutumance, une dimension physique de la dépendance qui est assez fréquente. Et qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui. Oui, les mécaniques de l'accoutumance, on les a bien identifiées. On les connaît assez bien, y compris les mécaniques de l'hyperalgésie qui est assez bien connue, qui passe par les récepteurs aux acides aminés excitateurs, aux glutamates, par ailleurs activés par la kétamine. Mais il y a aussi une dimension importante qui est au-delà des voies de transmission de la douleur et qui peut expliquer aussi que ces dérivés de la morphine ou la morphine elle-même ont une action qui peut être perçue comme très efficace. C'est la dimension émotionnelle. C'est cet effet psychoactif apaisant qu'ont la morphine ou ses dérivés, que n'aura pas du paracétamol ou très peu, un anti-inflammatoire, etc., etc. Et cet effet apaisant va modifier la perception qu'on a de la douleur, va modifier l'état psychique du patient. Or, la douleur, ça a une dimension physique et psychique. Et en agissant sur cette dimension psychique, ça peut aussi un peu leurrer le patient, tout comme certains vont améliorer leur douleur ou croire améliorer leur perception de la douleur en prenant des anxiolytiques. Il y a un peu cet effet apaisant anxiolytique des opioïdes qui piège. Comportemental-cognitif, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est une dimension cognitive, ouais, de ça, perception de la douleur. Si la pensée liée à la douleur est modifiée, effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir moins mal. Mais par ailleurs, cela entraîne aussi les risques effectivement d'accoutumance, de dépendance, et puis on entretient en permanence parfois le processus douloureux sous-jacent. C'est des médicaments qui diminuent l'attention portée à la douleur. Et pour certains, la douleur chronique, c'est souvent une pathologie de l'attention. Plus je fais attention à ma douleur, plus elle m'envahit. Et si j'ai un traitement qui détourne mon attention, qui la diminue, comme la morphine par exemple, ou les anxiolytiques, je vais avoir une certaine dimension de ma douleur qui va être apaisée. Sur la question de la recherche et sur le fait qu'on ait du mal à trouver de nouvelles molécules qui ne soient pas des opioïdes, parce qu'on a trouvé des nouvelles molécules mais qui sont des opioïdes de synthèse, comment l'expliquez-vous ? Il y a eu d'autres pans de recherche sur d'autres types de molécules. On a aussi beaucoup, là encore une fois, accusé les entreprises et les géants pharmaceutiques de bloquer, parce que c'est une rente les opioïdes aujourd'hui dans le monde médical sur la planète, les gens qui produisent des opioïdes en tirent un certain bénéfice confortable, disons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'effectivement, le succès de ces opioïdes, parce que ça a un succès évident en matière d'antalgique, a interrompu, entravé une partie de la recherche pour trouver des substituts ? Serge Perrault ? Clairement, je ne pense pas. Clairement, la douleur, c'est le premier marché, je dirais, au monde, puisque ça concerne tout le monde, tous les âges, tous les systèmes. Donc la douleur, c'est vraiment quelque chose sur lequel de nombreuses compagnies se sont penchées, mais avec beaucoup d'échecs. Il y a par exemple une compagnie, GSK, qui avait énormément investi dans la douleur, qui a développé des produits, Smith-Kline, ouais. Voilà, et qui, après avoir investi plus de 2 milliards dans certains produits, a décidé de jeter l'éponge, parce que ça coûte très cher et qu'il y a beaucoup de recherches et très peu d'élus. Donc je pense pas, je pense que l'industrie cherche des nouvelles molécules, mais c'est extrêmement difficile. Alors il y a quand même des lueurs d'espoir. Bon, déjà sur les morphiniques, il y a en France d'autres laboratoires que ceux que citait Nicolas Autier. Il y a par exemple à Paris l'école de Bernard Roch qui a beaucoup travaillé aussi sur des bloqueurs d'enzymes. Vous avez dans le cerveau ces encéphalines naturelles Qui sont les autres opiacés endorphines, endémiques. Et on se dit que si on bloque les enzymes qui vont détruire ces encéphalines, si on bloque les encéphalinases, ces enzymes-là, on peut peut-être espérer augmenter l'efficacité des endorphines endogènes. Donc il y a des produits de ce genre qui sont en cours d'étude, qui toujours chez l'animal marchent bien. On espère que chez l'homme, il y a des études qui démarrent, qui vont peut-être le montrer. Et puis heureusement, on va quand même partir maintenant sur d'autres récepteurs. Et là, on n'est plus du tout dans la morphine, mais il y a une nouvelle catégorie de médicaments qui sont des anticorps monoclonaux qui vont agir sur ce qu'on appelle le neuronal growth factor, c'est le NGF. Et donc, il y a des anticorps monoclonaux, des anti-NGF qui sont en cours de développement. Et là, c'est des grosses compagnies américaines. Donc, pour dire que les grosses compagnies investissent encore ce domaine, qui devrait arriver en 2019, c'est sous forme sous-cutanée, injectable, une injection tous les 15 jours ou tous les mois, pour traiter le mal de dos, pour traiter la douleur d'arthrose, pour traiter les douleurs des métastases. Donc, un mécanisme qui s'adapte ici à la douleur chronique, tout à fait différent. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je le disais, on est surtout avec des médicaments qui ont le même mode d'action. Les opioïdes, c'est les mêmes modes d'action depuis 3000 ans, les anti-inflammatoires depuis 100 ans, les anti-épileptiques ou les antidépresseurs, c'est pareil. Tout ça, c'est des médicaments anciens. Et enfin, peut-être, en 2019, on aura une nouvelle classe médicamenteuse. Encore une fois, pas pour toutes les douleurs, mais pour certains types de douleurs. Et ça va peut-être modifier les choses. Ces anticorps monoclonaux, vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ils fonctionnent et comment justement ils peuvent interrompre ou parasiter ces circuits de la douleur ? Alors ici, on est plutôt sur ce qu'on appelle un facteur de croissance neuronale qui, chez le fœtus, favorise la croissance neuronale et après la naissance, donc va plutôt réguler la synthèse des neuromédiateurs, la substance P, le CGRP, donc des neuromédiateurs qui sont impliqués en périphérie dans la douleur. Et quand on va bloquer ce NGF, non pas à la phase fœtale, mais à la phase post-naissance. On va réguler ces mécanismes de la douleur, donc en ciblant, c'est donc des thérapies ciblées, c'est-à-dire que là, on sait ce sur quoi on tape exactement, et plus comme on le faisait avant avec des médicaments un peu ubiquitaires qui touchaient un peu partout et qui donc n'étaient pas toujours aussi efficaces que chez l'animal. Nicolas Autier, sur cette question de la recherche, il y a effectivement, Serge Perrault vient de l'indiquer, hein, plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs publications, il y en a eu une il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016 dans Nature, sur une molécule qui s'appelle PZM21, et puis on a l'impression que ça commence, que c'est encourageant et que ça s'interrompt, qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, qu'on n'arrive pas effectivement à dépasser les essais précliniques. Oui, ben ça c'est le propre de la recherche, on va dire médicale, hein, c'est pas propre à la douleur, mais effectivement la physiopathologie assez complexe de la douleur, associée à sa dimension émotionnelle, je pense complexifie nettement le problème. Voilà, et c'est bien pour ça que effectivement les médicaments qui ont cette dimension, qui ont un effet sur les émotions, comme les opioïdes, tiennent encore la belle part du marché. Mais effectivement, il y a des pistes qui sont en train de naître avec les immunothérapies, qui sont beaucoup connues dans le cancer et en rhumatologie, mais qui notamment pourront avoir un intérêt dans les problématiques d'inflammation chronique, parce qu'il semblerait que certaines pathologies douloureuses soient associées à de l'inflammation chronique. Il y a aussi les pistes qui sont en lien avec le microbiote. Dont on a longuement parlé ici autour de cette table, à plusieurs reprises. Pour de nombreuses pathologies d'ailleurs, y compris pour la douleur. Par exemple, dans les pathologies digestives douloureuses ou le syndrome de l'intestin irritable, mais pas uniquement. Certaines douleurs dysfonctionnelles, au sens plus large du terme, pourraient être concernées par ces démodulations de ce microbiote. Peut-être qu'il faut aussi préciser deux questions, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, Serge Perrault, de dire qu'aujourd'hui on a tendance, et c'est une tendance depuis un certain temps, peut-être depuis toujours, en tout cas depuis l'invention de la pharmacologie moderne, à ne trouver de réponse à la douleur que par la voie de la pharmacopée, que par la voie médicamenteuse. Est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il est possible précisément de sortir, de remédier en partie à ce problème lié aux opioïdes, à la surconsommation d'opioïdes, en sortant, en élargissant le champ du traitement de la douleur, pas uniquement par la voie médicamenteuse? Clairement, je dirais que la plupart des personnes qui ont commencé à prendre des opioïdes pour la douleur et qui sont devenues des personnes addictes à ces substances avec un mésusage, sont des personnes chez qui la réponse à la douleur n'était que médicamenteuse. Or, la douleur, c'est un phénomène multidimensionnel. Il y a des éléments cognitifs, des éléments affectifs et des éléments physiques. Et si on prend en charge avec bien sûr des médicaments, mais associés aux médicaments, des approches physiques, psychologiques, des approches complémentaires, en général, il est rare, voire exceptionnel, d'aboutir à un mésusage. Parce que là, on a mis le médicament à sa juste place, c'est-à-dire c'est une partie du traitement, mais c'est pas l'ensemble du traitement, ça ne résume pas le traitement, et là, on va pouvoir suivre le patient de façon beaucoup plus précise dans toutes ses dimensions. Voilà. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de douleurs chroniques où on peut même se passer du médicament. Je dirais les approches complémentaires, l'acupuncture, l'hypnose, la méditation, tous ces éléments-là peuvent aider de façon très significative certaines douleurs. Et puis, il y a surtout un domaine qui est en train de se développer qu'on appelle la neurostimulation. La douleur, c'est aussi des voies, c'est de l'électricité, en périphérie comme au niveau du cerveau. Et il y a des techniques de neurostimulation, de neuromodulation. En périphérie, c'est la neurostimulation électrique transcutanée. Au niveau lombaire, c'est la neuromodulation lombaire. Et puis au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle la modulation magnétique transcrânienne. Et donc avec cette stimulation magnétique transcrânienne, on peut moduler certaines zones du cerveau qui vont envoyer des messages inhibiteurs beaucoup, tout aussi efficaces que certains médicaments. Vous ne pensez pas qu'il faille faire un peu attention tout de même à ces thérapies alternatives type acupuncture, hypnose, méditation, qui ne remplacent pas, qui peuvent peut-être venir en complément? On en a beaucoup parlé ici, en disant que finalement, si ça aidait les gens, c'était tant mieux, mais qu'on ne pouvait pas leur suggérer d'avoir recours à ce type de thérapie alternative comme seul et unique recours au traitement de leur douleur. Alors clairement, je vais vous dire, dans la lombalgie, quand on regarde tous les médicaments, que ce soit les anti-inflammatoires, le paracétamol, la morphine, les effets sont extrêmement modérés. Et ils sont même moins importants que l'effet de l'activité physique. Donc faire du sport, faire de l'activité physique, oui, mais l'acupuncture aussi. En tout cas, quand on compare les effets de toutes ces approches, le médicament dans la douleur chronique, pas toutes bien sûr, mais en tout cas dans la lombalgie, la douleur d'arthrose, eh bien le médicament est parfois nettement moins efficace que des approches non médicamenteuses. Nicolas Autier. Et pour compléter ce que vient de dire Serge Perrault, je crois qu'il y a une question importante aussi à poser dès le début de la prise en charge, c'est l'objectif à atteindre, ou que l'on veut se fixer. Et le médicament peut faire croire que l'on va parfois supprimer la douleur. On parlait d'analgésique avant. Mm-hmm. On parle plus d'analgésique, on parle d'antalgique, et ça veut dire que effectivement on a cette difficulté à probablement supprimer la douleur, et on est plutôt autour d'un accompagnement de la douleur. Alors vivre avec peut-être, mais surtout avec beaucoup moins de conséquences sur la qualité de vie des patients, sur le sommeil, sur l'humeur, sur l'anxiété, sur l'insertion sociale, professionnelle. Et ça devient des objectifs qui sont plus importants finalement à améliorer, dans la douleur chronique, bien entendu, que l'intensité de la douleur elle-même. Et ça, c'est important parce que le médicament peut faire croire qu'effectivement qu'on va supprimer l'intensité de la douleur et qu'on va régler tous les problèmes, ce qui n'est pas le cas. Et certains accompagnements qui peuvent être de l'ordre de la psychothérapie ou autre, permettent d'améliorer ça aussi. En tout cas, c'est pour ça que je préfère parler de centre de la douleur ou de centre d'études et traitement de la douleur plutôt que de centre antidouleur, parce que les gens croient qu'en venant dans ces centres, ils vont supprimer toute douleur. Non, on est là pour prendre en charge, évaluer, analyser et surtout développer des techniques de tout type, médicamenteuses et non médicamenteuses, pour aider les gens à être améliorés avec leur douleur. On a longtemps dit, études à l'appui d'ailleurs, que les grands groupes pharmaceutiques qui étaient à l'origine des premiers médicaments à base d'opioïdes ou d'opiacés avaient scrupuleusement détruit toute la recherche médicale et pharmaceutique sur les cannabinoïdes parce que c'était une question de concurrence et de rivalité. Aujourd'hui, on a repris un peu l'étude sur les cannabinoïdes et ça n'a pas d'effet concret, ça ne fonctionne pas dans les traitements de la douleur aiguë, de la douleur chronique. C'est la même chose qu'avec les morphiniques. Je dirais que ici aussi, on est sur des substances psychoactives qui vont agir sur la douleur, mais aussi sur l'anxiété, les troubles du sommeil, l'appétit. Et clairement, la plupart des études montrent que les cannabinoïdes et le cannabis ont des effets sur la douleur, mais ce sont des effets très modestes, très modestes. En fait, ici, on va surtout être soulagé parce qu'on va réduire l'anxiété ou les troubles du sommeil, ou les contractures musculaires qui sont associées à la douleur, plus que sur la douleur elle-même. Il est rare d'avoir quelqu'un qui sera soulagé uniquement par du cannabis, ça va être souvent des associations... Par des dérivés cannabinoïdes. Oui, ou des dérivés. Voilà, même les études cliniques avec les dérivés cannabinoïdes sont très décevantes, peut-être dans la douleur du cancer un peu mieux, peut-être dans certaines douleurs neuropathiques, mais dans les douleurs chroniques, musculo-squelettiques, les lombalgies, les douleurs du dos, de l'arthrose, ou les douleurs des rhumatismes inflammatoires, l'efficacité est très modeste. Nicolas Autier, vous confirmez ? Oui, je confirme. On revient une fois de plus sur l'attention qu'on va porter à cette douleur, ce que disait Serge Perrault tout à l'heure avec la morphine. On va diminuer cette attention que l'on porte sur la douleur, on va apaiser le psychisme. Donc évidemment, les patients rapportent un mieux-être. Donc il faut l'entendre, ce mieux-être. Mais il faut aussi informer sur les risques associés. C'est-à-dire que soit c'est un cannabinoïde médicament, pharmaceutique, développé pour cela. Il y en a quelques-uns qui arrivent sur le marché très lentement. Très modérément. Dans la sclérose en plaques, qui est le Sativex, qui est un mélange de THC et de cannabidiol, mais qui est pour l'instant pas remboursé encore en France. Et puis qui va peut-être arriver pour l'épilepsie. Donc pas pour la douleur. Mais en revanche, il faut aussi être très prudent sur les risques associés à ces consommations. Puisque pour l'instant, beaucoup de patients qui sont un peu désespérés, si je puis dire, par les médicaments eux-mêmes ou les prises en charge et cette douleur chronique, vont vers des consommations de cannabis alors qu'ils n'avaient pour certains jamais consommé de cannabis auparavant. Certains même n'avaient jamais fumé de tabac. Et il faut bien les informer sur les risques de devenir dépendants et puis sur d'autres risques associés au cannabis. On peut mettre en regard tout de même les risques de dépendance des cannabinoïdes et des opiacés. Ceux des opiacés sont quand même plus dangereux, plus graves, plus lourds et plus mortels. Oui, bien c'est pour ça qu'il faut pas stigmatiser la problématique des cannabinoïdes thérapeutiques, et je dis pas cannabis volontairement. Bien sûr, bien sûr. Parce que je pense que c'est pas la même problématique. Tout à fait. Il faut pas s'inquiéter trop là-dessus. Il y a pas plus de risque avec un cannabinoïde, voire même du cannabis thérapeutique, que de la morphine, si c'est bien encadré et à condition qu'il y ait une efficacité prouvée. Un mot également peut-être pour s'adresser à des gens, à des patients, à des auditeurs qui nous écoutent et qui seraient aujourd'hui pris effectivement dans une spirale de dépendance à partir de médicaments de type opioïde. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Quelles sont les solutions pour en sortir tout en conservant une façon ou un système de traitement de sa douleur? Parce qu'il y a vraiment à un moment donné des impasses dans lesquelles, on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, les gens se trouvent et n'ont plus d'issue. Que faire, Serge Perrault? Alors effectivement, il faut différencier deux situations. D'une part, la situation de la personne qui avait des douleurs et a toujours des douleurs et va prendre ces substances de façon totalement inadaptée. Et là, il faut véritablement faire appel à un centre de la douleur, à des spécialistes de la douleur, pour aussi revoir, réévaluer cette douleur sous-jacente. Pourquoi elle n'est pas bien traitée? Est-ce qu'il y a des composantes de cette douleur qu'on pourrait traiter autrement, par des infiltrations, des gestes particuliers, une prise en charge globale? Et puis, à la personne en mésusage total, où la douleur est largement au second plan, et là, c'est plutôt l'équipe d'addictologie. Et puis, très souvent, on va essayer de travailler ensemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes patients. Je dirais, nous, les patients dans les centres de la douleur, sont quand même des patients où la problématique de fond reste quand même une douleur qui n'est pas soulagée. Et là, je pense qu'il faut vraiment un médecin de la douleur. Dans l'autre cas, c'est un problème d'addiction prédominante, et là, il faut vraiment un médecin spécialiste d'addictologie. Nicolas Autier. Pour continuer sur la problématique de l'addictologie et de l'addiction à un opioïde, qu'il soit licite ou illicite, qu'importe du point de vue médical, bien sûr, les prises en charge sont assez bien standardisées maintenant. On privilégie plus les médicaments de substitution aux opioïdes, que l'on connaît bien pour l'héroïne, méthadone, buprénorphine, parce que c'est très efficace, 80% d'efficacité. Méthadone qui est un opioïde aussi. Qui est un opioïde, c'est de la substitution. Ce n'est pas le cas du Subutex. Si. Le Subutex, c'est un opioïde. C'est de la buprénorphine, oui, c'est aussi un opioïde, c'est de la substitution. D'accord, on maintient un traitement opioïde, mais qui est bien mieux toléré et qui permet de corriger pas mal de troubles comportementaux liés à l'addiction. Concernant les patients qui ont une douleur chronique sous-jacente, il faut quand même essayer parfois de les sevrer en opioïdes. Et l'expérience qu'on en a, nous, au centre de prise en charge de la douleur, qui est couplée aussi à une consultation pharmacodépendance, eh bien, on se rend compte que ces patients-là, lorsqu'on a réussi à les sevrer, soit progressivement, soit plus brutalement, en passant par un médicament de substitution provisoire, eh bien, ils n'ont pas plus mal, pour certains d'entre eux, une fois qu'on a arrêté l'opioïde. Mais cela doit se faire progressivement, et c'est surtout une situation très anxiogène, donc ça nécessite un accompagnement effectivement très rapproché. Vous pensez aussi, Nicolas Autier, que ces anticorps monoclonaux, c'est une vraie petite révolution pharmaceutique à venir, que ça peut changer la donne? Je ne sais pas si elle sera aussi révolutionnaire que pour les pathologies inflammatoires, rhumatismales ou dans le cancer, on l'espère. On l'espère, pour l'instant, on attend les résultats, vraiment, on va dire à échelle, en grandeur réelle. Quoi. Vous pensez, enfin pour conclure, peut-être un mot à propos de ces sociétés type Purdue ou Mundi Pharma qui continuent à avoir, vous pensez qu'il faut une action des pouvoirs publics pour empêcher des communications abusives, pour empêcher des retours de situations type oxycodone, etc.? Je dirais qu'en France, la situation est quand même bien cadrée. D'une part, il y a la NSM qui contrôle toute la publicité, l'information délivrée aux médecins. Et puis, il y a surtout une formation qui se fait en France avec des médecins formés, des étudiants. Et puis, je dirais que le meilleur remède, c'est de bien soulager les patients. Et donc, même si on n'a pas des médicaments extrêmement efficaces, développer les centres de la douleur, je dirais continuer à améliorer la prise en charge de la douleur avec cette médecine très spécifique pour laquelle je milite, qui est la médecine de la douleur, qui a encore besoin de reconnaissance auprès des collègues, auprès de l'administration et des autorités. Je pense que c'est ça la solution, bien soigner les patients avec les bons médecins. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Autier, merci Serge Perrault pour vous renseigner encore une fois sur cette médecine de la douleur pour laquelle vous plaidez. Vous pouvez vous référer à La douleur, je m'en sors, que vous avez écrit aux éditions InPress. Et puis si vous êtes intéressé samedi à venir passer la journée avec nous, je vous rappelle que c'est le deuxième forum l'année vue par les savoirs, toute la journée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, autour d'une nouvelle problématique, sexe et pouvoir. On va y parler de lutte, de différence, violence de genre, de lutte des classes, de lutte des sexes. Pour ce qui nous concerne, entre 15h30 et 16h30, nous évoquerons la différence et le dimorphisme homme-femme vu par le prisme de la génétique et de l'évolution avec, entre autres, Yves Coppens, Pierre-Henri Huillon et Edith Heard. Voilà, l'inscription est gratuite, mais il faut vous inscrire obligatoirement, en tout cas, sur le site lamaisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Ville, François Raïchement, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique, et la suite de vos aventures dans trois petites minutes, la nouvelle série documentaire de la SPEN, L'espionnage sur écoute par Amaury Chardot et Julie Béressy, dans un peu plus d'une heure Le grain à moudre, L'assiette, Nouveau terrain de lutte des classes par Hervé Gardette, et pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous nous mettrons au diapason des températures actuelles direction le Grand Nord. Nous parlerons du pergélisol, le permafrost en anglais, qui en dégelant risque de lâcher dans l'atmosphère d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.